Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in lahu bi ihsanin ila yawmiddin. Et que les éloges et le salut soient sur l'envoyé d'Allah, ainsi que sa famille, c'est l'ensemble de ses compagnons et tous ceux qui l'auront suivi excellemment. Mes très chers frères et sœurs, comme vous le savez, la première obligation qui incombe à toute personne qui se reconvertit à l'islam est la prière, qui est le deuxième pilier de cette religion. Et cette prière ne saurait être acceptée sans la lecture de Surat al-Fatiha, qui est la première surat du Coran. Il incombe donc à tout nouveau reconverti de l'apprendre le plus rapidement possible, afin de pouvoir prier. Bien entendu, en attendant, il pourra prier en substituant à cette Fatiha des formules de glorification, mais tel n'est pas notre propos. C'est pour cette raison que j'ai décidé, et je demande à Allah de m'aider en cela, de présenter à mes nouveaux frères et sœurs en islam une explication succincte de cette sourate. Car nul doute que la compréhension de ces versets facilitera la mémorisation d'une part et donnera à la prière une toute autre saveur d'autre part. Je me suis appuyé pour cela sur les exégèses de savants de la Sunna reconnus tels que Ibn Kathir et Sheikh Sa'di, qu'Allah leur fasse miséricorde, et d'autres. Premièrement, il faut savoir que cette sourate a plusieurs noms. Al-Fatiha, bien entendu, l'ouverture, car c'est par elle que débute le livre d'Allah et également la prière. Elle se nomme également As-Sab'ul Mathani, les sept répétés, car elle contient sept versets qui doivent être récités à chaque unité de prière. On l'appelle également Ummul Kitab, la mère du livre. La mère du livre, car l'ensemble des sens abordés par le Coran sont présents dans cette sourate, notamment les trois sortes d'unicité. L'unicité d'Allah dans la seigneurie, qui consiste à croire qu'Allah est le seul Seigneur, le seul Créateur, le seul qui fait vivre, le seul qui fait mourir, le seul qui accorde la subsistance, le seul qui gère cet univers sans associé. L'unicité d'Allah dans les noms et les attributs, qui consiste à croire aux noms et aux attributs qu'Allah s'est lui-même donné et dont il nous a informés par le Coran ou par le biais de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de croire que ces noms et ces attributs sont tous parfaits. L'unicité d'Allah dans l'adoration, qui consiste à croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, glorifié soit-il, est le seul à mériter l'adoration, et qu'il doit être le seul à être adoré sans associé. Et cette sourate a bien d'autres noms encore, ce qui montre l'importance qu'elle revêt. En effet, il est d'usage en langue arabe d'attribuer à une chose, à toute chose importante, plusieurs appellations. Nous nous contenterons de cela pour ce premier cours et nous continuerons l'explication de cette sourate dans un prochain cours, Inch'Allah, ces cours se voulant être concis afin de ne pas surcharger nos auditeurs d'un trop gros volume d'informations en une seule fois. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.